C'est l'heure de la chronique Technologie de l'information avec Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut Technologie et Information et Société ici à l'Université Laval. Salut Raymond. Salut. Ça va bien? Mais ça va très bien. Aujourd'hui, on parle de 3D un peu comme la semaine dernière, mais le côté historique de la 3D. Exactement. Et pour mettre en contexte, en fait, c'est qu'on organise une conférence ce soir à la bibliothèque Gabriel Leroy, à compter de 19h. C'est entrée libre d'ailleurs, donc tous les auditeurs et auditrices sont invités. Et la conférence s'intitule « Comment la 3D fait renaître le passé ». Et donc, on va explorer justement l'utilisation de la 3D dans la sphère des sciences historiques. Et pour nous donner quelques pistes là, en route vers ce soir autour de cette conférence-là, ben, on a le conférencier avec nous ce matin. Alors, il est étudiant au doctorat en histoire à l'Université Laval et à l'Université de Bordeaux 3. Mathieu Rochelot, bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, en fait, puisqu'on parle d'un historien, ben, on peut faire un peu l'histoire, justement, des représentations tridimensionnelles en sciences historiques, parce que, oui, la 3D, c'est récent, mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'on représente de manière tridimensionnelle, avec des maquettes, notamment, là, des constructions antiques et autres, là. Oui, en effet, c'est ça l'application informatique qui est nouvelle. Ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte que la 3D pouvait être un excellent moyen pour comprendre des informations, comprendre leur organisation et aussi pour les transmettre. Et donc, au début du siècle, il y a des maquettes qui ont commencé à se faire pour des sites archéologiques comme Rome. Donc, il y a le plan de Rome de Paul Bigot et la Plastico di Roma Antiqua d'Italo Gismondi qui ont été commencées vers 1901-1930 et que ce sont de gigantesques maquettes qui font plus de 11 mètres par 6 mètres pour l'une et 16 mètres par 16 mètres pour l'autre. Donc, c'est de très grandes maquettes qui représentent très bien la Rome antique de 320 de notre ère environ. Puis avec le développement des technologies, comme avec le développement des disciplines historiques comme l'histoire, l'archéologie, l'utilisation de la 3D se répand de plus en plus. Oui, l'idée a été évoquée la première fois en 1973, mais ça a pris une douzaine d'années avant qu'on commence vraiment réellement à en faire. Donc, vers 1985, ce sont des Français, des Anglais, en lien avec des compagnies privées, qui ont commencé à modéliser, donc qui ont fait des expérimentations. Ensuite, vers 1991, on commence à parler d'archéologie virtuelle, donc il y a un nouveau terme qui est introduit. Et depuis 2000, là, il y a vraiment beaucoup de projets qui se font, surtout en archéologie et plus récemment en histoire. Et ce qui est important, j'imagine, de savoir, c'est que, justement, l'idée de représenter en 3D, c'est pour se donner une piste d'exploration commune, parce qu'on parle de sciences historiques, mais là-dedans, il y a l'archéologie, justement, l'histoire de l'art, l'histoire, il y a les architectes qui rentrent là-dedans aussi, donc nécessairement de représenter un bâtiment comme ça, mais ça permet d'avoir une base commune d'exploration. Oui, exact. En fait, ça fournit une base, une visualisation des données sous un nouveau jour, un nouvel angle, qui fournit une représentation qui est plus intuitive pour comprendre des informations. Et un peu comme on le fait avec les systèmes d'information géographique, où on représente des choses sur une carte là, de manière spatiale. Et peut-être aussi distinction, il y a une différence aussi quand on parle de numérisation 3D et de modélisation 3D. Oui, la numérisation 3D, on parle plus d'acquisition de données qui existent, là, que ce soit des objets ou des sites archéologiques. Donc, on le fait avec un laser scanner ou de la photogrammétrie, là, qui consiste à prendre plusieurs photos d'un objet et avec des algorithmes, on les assemble et on fait des nuages de points. Donc, c'est comme numériser une feuille. Donc, on acquiert des choses existantes. Et la modélisation, c'est plus la restitution de l'inexistant, donc de ce qui existe le plus aujourd'hui à partir de sources diversifiées comme des sources écrites, des sources iconographiques. Donc, essentiellement, si on numérise, c'est qu'on prend un objet qui existe déjà, on le met en 3D pour pouvoir l'explorer en dehors, justement, de l'objet lui-même. Et quand on parle de modélisation, ben, on se base sur des sources historiques, des textes, des fouilles archéologiques pour essayer d'imaginer de quoi aurait l'air, justement, un bâtiment qui n'existe plus. Oui, c'est ça. C'est de se le représenter. C'est d'en faire une interprétation à partir des sources qui existent, comme on fait déjà en sciences humaines, en sciences historiques. C'est d'interpréter les sources, sauf que là, on le fait de façon visuelle. Et la modélisation, mais c'est une opération qui est plus délicate. C'est moins technique que la numérisation. Puis ça a besoin d'une méthodologie qui rejoint plus le chercheur donc dans ses méthodes de travail. Est-ce qu'on peut nous donner une petite idée, justement, de cette méthodologie-là, des étapes qui mènent à une modélisation satisfaisante, réussie? Il n'y a pas de solution magique. Il y a des bonnes pratiques qui sont en train de s'instaurer. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça prend L'idée, c'est de regrouper le plus grand nombre de spécialistes possibles, donc des historiens, des archéologues, mais aussi des ingénieurs, des architectes, des informaticiens, évidemment, des graphistes. Et une fois qu'on a commencé à créer le modèle, bien, ça fait une base commune, un langage commun à partir de duquel tout le monde peut discuter et ensuite mieux interpréter les sources qui sont mises à disposition. Et par extension, mieux comprendre la dynamique du bâtiment. Donc, on parlait de Rome tout à l'heure. Si on fait une modélisation du Colisée ou du Cirque Maxime ou autre, ben on peut comprendre comment ça se passait à l'intérieur de ce bâtiment-là, faire des simulations, etc. On peut l'exploiter, cette modélisation-là. Oui, ça devient, en fait, le modèle, une fois qu'il... Qui est modélisé de manière scientifique en suivant des étapes là, qui sont bien connues en sciences historiques, eh bien, ça devient une source qu'on peut exploiter, comme tu dis. On peut se placer à l'intérieur du monument, vérifier les points de vue, comme ils ont fait dans le Circus Maximus. Donc, on peut mieux positionner la loge des... pas la loge de l'empereur, mais la place où les juges se situent dans le cirque pour mieux voir la course. Donc, on peut voir en se plaçant dans le cirque où devait être cet endroit-là, parce qu'on est directement à l'intérieur. Et même chose pour la loge de l'empereur. À la fin de la course, là, on se rend compte, en faisant des études sonores, que l'empereur pouvait discuter ou parler avec le vainqueur de la course. Puis l'utilisation de la 3D, on vous entend parler beaucoup de la Rome antique, de l'archéologie. C'est souvent relié à l'Antiquité, mais est-ce que prochainement, ça va être utilisé pour d'autres périodes historiques, par exemple? Oui, on a commencé avec l'Antiquité, ça, c'est ce qui, en numérisant pour faire de la valorisation, de la diffusion, c'est ce qui nous semblait le plus évident. Et avec la modélisation ou l'intégration de toutes les sources possibles, là, l'histoire commence à faire plus de modélisation 3D. Et il y a un excellent projet par rapport à ça, c'est le projet d'usine 3D. Donc, en France, une équipe de projets qui ont commencé à modéliser des sources d'une usine de Renault de 1920. Donc, une usine qui n'existe plus, il reste quasiment plus de sources. Il y a les plans d'implantation de l'usine, mais vraiment pour comprendre la chaîne d'assemblage, la chaîne de montage, il n'y avait que quelques dessins ou quelques plans avec une petite description dans un article de journal. Et ils ont modélisé ces sources-là pour mieux comprendre l'organisation. Ils ont fait de nouvelles découvertes par rapport à l'organisation de la chaîne de montage, donc qui contredit même ce qui était dans le journal par rapport aux différentes étapes d'assemblage des autos. Et avec le développement des outils technologiques aussi, j'imagine que ça devient de plus en plus possible, réalisable, de faire efficacement des modélisations à différents degrés, là. Oui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Par exemple, juste en photogrammétrie, il y a 3 ans, ça prenait un logiciel assez coûteux, assez complexe. Et maintenant, on peut faire ça facilement avec un logiciel gratuit qui demande moins de précision, moins de guide pour recréer là, on parle plus de numérisation, pour recréer les nuages de points, là. Donc, c'est plus facile, plus accessible et même à la limite pour le grand public aussi, on peut réaliser nos propres expériences de modélisation avec ces logiciels-là sans avoir le degré de précision ou d'historicité qui est réalisé par les chercheurs, là. Oui, le grand public peut, ou les touristes, si vous allez à des endroits un peu partout dans le monde, vous prenez des photos, plusieurs photos d'un objet ou d'un monument, vous faites le tour, vous prenez le plus de photos possible et ensuite à la maison, vous avez juste à passer les logiciels, les photos dans la moulinette et vous avez un nuage de points, un modèle 3D avec les textures et tout. C'est tout à fait gratuit. Et Mathieu Rousseau, vous êtes historien. Qu'est-ce que ça représente justement dans le travail d'historien, les avancées qui sont en train de se faire en modélisation 3D? Donc, les avantages de Oui, de, les avantages... Donc, c'est surtout pour organiser la connaissance, ça fait un peu un aide-mémoire pour juger de la qualité ou de la quantité des sources qui sont disponibles. Et comme on a évoqué tout à l'heure, donc ça permet de faire de nouvelles découvertes avec des simulations en réalité virtuelle. Et en route vers la conférence de ce soir, donc à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, est-ce que si les gens en fait veulent profiter de la journée pour explorer un peu, voir sur le web notamment, des modélisations 3D, rentrer dans le bain comme on dit, est-ce que vous auriez des sites, des modélisations particulièrement intéressantes à proposer aux auditeurs, auditrices? Ah ben il y a le projet Rome Reborn dont on a évoqué aussi tout à l'heure, donc le projet de modélisation 3D de la Rome antique qui est disponible dans Google Earth. Donc vous tapez Rome Reborn dans un moteur de recherche, vous allez le trouver facilement, là, il est très bien référencé. Et il y a aussi Digital Karnak qui est un site en Égypte antique qui est aussi accessible dans Google Earth. Donc, dans les deux cas, vous pouvez vous promener dans le modèle, consulter les différentes modélisations et voir les sources sur lesquelles les chercheurs se sont basés pour les recréer. Parfait, merci beaucoup. Mathieu Rochelot, étudiant en doctorat en histoire à l'Université Laval et à l'Université de Bordeaux-Trois. Peut-être, Raymond, rappeler rapidement la conférence qui est ce soir. Oui, ça s'appelle « Comment la 3D fait renaître le passé ». C'est à 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy, à la salle Gérard Martin, donc au deuxième étage. L'entrée est libre également. Donc, vous êtes invités en grand nombre à venir explorer ces thématiques là, autour de la 3D en histoire. Merci beaucoup, Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie, information et société ici à l'Université Laval. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.